Salut Johnny! Faut pas lui en vouloir. Depuis que Blast lui a parlé du sapin de Noël, il est plus euphorique qu'une guirlande. C'est dommage! C'est dommage! C'est complètement faux! Comment ça? Comment ça? Comment ça? Je t'avais dit qu'on aurait dû rester dans la grosse ville. Oh, toi aussi, si t'es difficile!